soudain. Attendez, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio dans ce programme des mots, des sons sensibles comme vient de l'indiquer l'indicatif précisément à l'instant. Deuxième rendez-vous de cette semaine, deuxième rendez-vous de ce mois de décembre. En ce 3 décembre, l'actualité politique, sociale et culturelle qui va vous être déclinée durant près d'une heure à passer ensemble. Et nous allons parler culture avec des partenariats à venir. Affûtez vos téléphones pour un jeu concours et place à gagner sur le 895 de Dio du côté de la salle Le Fil à Saint-Etienne qui propose quelques dates en ce début et mois de septembre. L'occasion eh bien, de revenir précisément sur ces dates attendues et des places qui vous attendront sur le 895 de Dion. On retrouvera Julien programmateur Pickering, Julien Pickering programmateur de la salle Le Fil que nous avions précisément proposé en écoute lors d'une conférence de presse que j'avais eu le plaisir d'animer en début de saison, c'était au mois de septembre dernier. On fera focus sur les dates attendues donc de ce mois de décembre et ces dates partenaires précisément en jeu concours sur le 895 de Dion. Cadeau, c'est Noël ou presque. Et puis nous évoquerons également eh bien, une valeur fondamentale de la République, la laïcité, alors que s'ouvre demain, ce 4 décembre, la deuxième édition de la semaine de la laïcité à Saint-Etienne, du 4 au 13 décembre. L'occasion de revenir sur cette semaine, certes, et sa programmation, mais un point qui, vous le verrez, a aussi fait polémique lors du dernier conseil municipal qui se tenait il y a une semaine exactement, lundi dernier, et un point, eh bien, vous le verrez, abordait plus ou moins cette question lors d'attribution de subventions. Donc petit retour notamment sur ce dossier qui était à l'ordre du jour de ce conseil municipal dernier. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui avec bon nombre d'autres infos à vous faire part. Elles sont nombreuses et elles viendront bien entendu ponctuer l'ensemble de ce programme qui s'ouvre en musique comme à notre habitude. C'est aussi de l'actualité culturelle et de la programmation et proposition musicale. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent avec nos découvertes partenariats Ferrarock, notre fédération nationale qui vous propose toujours double artiste, album soutenu chaque semaine. Je vous ai proposé le très bon Mick Strauss In The Dark dans le programme de ce lundi. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la deuxième proposition de cette semaine qui se porte sur l'album de It Girls, Area Silenzio, album qui est sorti le 8 novembre dernier chez Bureau B. Area Silenzio est le premier album de ce trio It Girls. C'est un album composé de 10 titres qui, comme ça aussi, entre no wave, post-punk, accent folk et synthé. Bref, vous allez vous en faire une idée avec ce titre-là que je vous propose d'écouter. Issu donc de cet album Area Silenzio. Dans ce titre ou via ce titre, un élan, nous dit-on, kraut et ritualiste. C'est le titre Para los pies cansados que je vous propose de découvrir en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. We'll be right back. para los pies cansados. Voilà, c'était les Hit Girls à l'instant et c'est le partenariat et la découverte Ferrarock cette semaine, ce trio qui sort son premier album Area Silencio qui est sorti le 8 novembre dernier chez Bureau B, un groupe qui a déjà pas mal de scènes à son actif hein, puisqu'ils ont fait de prestigieuses premières parties, Talia Zedek, The Young Gods pour ne citer que. C'est donc l'album en découverte Ferra cette semaine. Vous savez que ces découvertes et partenariats consistent en présentation quotidienne sur nos antennes, diffusion, programmation et jeux concours parfois. Mais pour cette semaine, voilà, exceptionnellement, pas de jeux concours organisés pour ces artistes, que ce soit Hit Girls et l'album Area Silencio ou que ce soit Mick Strauss, le très bon In the Dark qui est sorti le 22 novembre dernier chez R Ritmo. Et puis alors, autre petite exception cette semaine pour notre fédération, la Ferrarock, eh bien, vous propose certes ces deux albums en découverte cette semaine, mais ils ne seront pas au menu de Dig Dig Diggers ce vendredi pour une simple et bonne raison, c'est que eh bien, la Ferrarock est mobilisée en direct du Festival des Bars en Trance cette fin de semaine du 5 au 7 décembre avec un plateau Ferra en direct et en itinérance qui va se dérouler du 5 au 7 de 16h à 19h. Néanmoins, vous retrouverez ces deux projets Mick Strauss et Hit Girls, puisqu'ils seront en interview, accueillis en tout cas pour une interview sur ce plateau en direct des Bars en Trance, qui va donc se dérouler de 16 à 19h du 5 au 7 décembre, que je le disais, comme je le disais, un plateau en direct en itinérance pour découvrir ce festival des Bars en Trance avec des membres de Canal B, Radioactive, Radio Méga, Radio Béton, Fréquence Mutine, Westrack, PFM, Jet FM qui seront sur place pour animer ces émissions. Alors c'est un format de 3 heures. Néanmoins, on vous proposera non pas de les suivre en direct, de suivre cette programmation Bars en Trance en direct, mais on vous proposera en lieu et place de Dig Dig Diggers, bien voilà, un petit retour néanmoins et petit rétro sur ces horaires, notamment quelques heures à vous proposer en diffusion. Ce sera toujours donc vendredi 12h-19h et lundi en matinale dès 8h comme habitude. Et vous avez toutes les infos via le site dédié, bien sûr, c'est ferrarock.org. Et on commence ce programme des mots des sons sensibles avec quelques infos à vous faire part. On va comme ça fonctionner un peu en entonnoir du national au local avec pas mal de choses à dire. Ou il y aurait pas mal de choses à dire au niveau national. Pas mal d'inquiétudes en ce moment. Certes, cela vous dit quelque chose. Motion de censure, 49-3, bref, mascarade politique qui se poursuit. Renforcée depuis septembre, mais déjà bel et bien présente depuis dissolution et élections législatives dernières. Bref, là se pose la question véritablement d'un gouvernement en véritable difficulté. Va-t-il s'agir de faire tomber ce gouvernement? Tout va se jouer entre cette semaine, mercredi et jeudi. Bref, inquiétude en tout cas nous concernant. Pas de rubrique aujourd'hui PLF, projet de loi de finances 2025 qui veut la mort des radios associatives, mais grande inquiétude en tout cas concernant nos soutien financier et budget et finances notamment, mais on aura l'occasion sans nul doute d'en reparler d'ici quelques jours. En tout cas, au niveau national, c'est une grève nationale qui va avoir lieu cette semaine et ce 5 décembre. Stop à la casse de la fonction publique. C'est une grève nationale, en effet, de la fonction publique et manifestation qui est attendue cette semaine, ce jeudi 5 décembre, contre le budget Barnier-Macron et les nouvelles attaques du gouvernement et du ministre Kasbarian. Non aux 3 jours de carence, non à la baisse de 10% de l'indemnisation des arrêts maladie, non au gel du point d'indice, non aux coupes budgétaires et aux suppressions de postes. Bref, un ensemble de revendications qui seront rappelées lors de cette grève et manifestation de ce 5 décembre. Autant vous rappeler qu'il y aura à Saint-Étienne une manifestation qui aura lieu à 10h30 au départ de la Bourse du Travail jusqu'à la préfecture. Et il s'agira ensuite d'amplifier massivement la mobilisation. C'est encore prévu les 11 et 12 décembre prochains pour faire plier le gouvernement. We'll be right back. toujours ce 5 décembre. C'est un rendez-vous cette fois qui est attendu à Saint-Étienne en projection débat autour des Gilets jaunes. Et oui, c'est le retour des Gilets jaunes dont on parle ici et là au travers de différents médias. Vous savez qu'il y a 6 ans débutait le mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018. Et dans la foulée, le président Macron y répondait avec l'organisation du Grand Débat, début 2019, et notamment les cahiers de doléances. Alors, qu'en reste-t-il ? Eh bien, c'est là que se pose véritablement la question. En effet, alors, début 2019, pendant 3 mois, toutes les mairies ont ouvert des registres, leur nom initial, cahier de proposition citoyenne, rapidement transformé donc en cahier de doléances. Alors, 6 ans plus tard, que sont-ils devenus ? Eh bien, c'est une sacrée question. On sait que le Premier ministre Michel Barnier souhaiterait les remettre au goût du jour et s'en inspirer pour faire des propositions. On verra où en est Barnier d'ici quelques jours. En tout cas, l'occasion d'aborder cette question. Ce fut le cas déjà, je voulais rappeler, c'était semaine dernière du côté du Ciné Chaplin. Ou même il y a 15 jours, en tout cas c'était le 21 novembre dernier au Ciné Chaplin qui proposait une soirée sur cette question, bien chose remise à l'ordre du jour cette semaine, ça se passera cette fois à Saint-Étienne, ce sera ce 5 décembre, donc ce jeudi. Projection débat autour du documentaire Des goûts de lutte sur les Gilets jaunes réalisé par Emmanuel Ronga et Pierre-Olivier Gomin. Le film sera suivi d'un débat en présence de la réalisatrice qui est aussi maîtresse de conférences en sciences politiques à Montpellier. Et ce débat se fera aussi en présence de Marion Lang, qui est chercheuse associée à Triangle, laboratoire de recherche de l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Donc une séance proposée précisément en partenariat avec le département d'études politiques et territoriales de l'Université Jean-Monnet, le cinéma Le Méliès et la librairie L'Une et l'Autre. Autant vous dire que l'entrée est à prix libre et c'est donc ce jeudi 5 décembre au Méliès Saint-François à Saint-Étienne. On va en venir à l'actualité municipale. Alors non pas en termes d'élections municipales, quoique c'est aussi à l'ordre du jour. Hein. On se projette déjà sur les prochains mois et la prochaine échéance électorale. On en a parlé semaine dernière, alors que ce week-end se tenait l'Assemblée Générale et ce rendez-vous de Synthé Populaire qui tente de proposer une alternative de gauche à Saint-Étienne avec des... Un temps samedi dernier de rencontres, de réflexions, de travail et d'ateliers. Alors, ce fut chose également du côté de la majorité actuellement en place, hein, puisque Gaël Perdriau, on le sait, se projette aussi sur ses prochaines élections municipales. Et se tenait ce week-end l'Assemblée Générale de l'association Mon Parti Saint-Étienne. Voilà, qui eh bien, s'est aussi réalisé en présence de nombreux Stéphanois, Stéphanoises, qui soutiennent la majorité municipale. Et là aussi, des ateliers se sont tenus, hein, qui ont été mis en place pour faire travailler tous ceux, celles qui souhaitent se positionner et réfléchir à l'avenir de Saint-Étienne. Bref, les sont les élections municipales de côté. On va parler de conseil municipal d'ici un instant, avec un retour sur un point à l'ordre du jour de ce conseil qui se tenait lundi dernier. Mais auparavant, quelques infos diophoniques à vous faire part, voilà, sans transition aucune, pour vous parler bien d'abord d'une action municipale. C'est une cérémonie qui va être organisée ce jeudi 5 décembre, place Fourneyron, à 11h. Une cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Or là, ce que je vais vous proposer, c'est un rendez-vous dans un autre registre, puisqu'il s'agit d'une position plutôt anti-militariste. Cela me permet d'annoncer nos programmes diophoniques, avec notamment la mensuelle... la mensuelle du goûter du mercredi. Le premier de chaque mois, vous avez rendez-vous avec l'émission contre le militarisme, précisément l'émission J'irai pas, qui va donc se tenir ce mercredi 4 décembre à partir de 16h30. Alors, tout en lien, et j'imagine que cette émission ne manquera pas de remplir ce rendez-vous, c'est un nouveau lieu qui nous a fait part de cette info. Il s'agit du Pêle-Mêle. C'est un restaurant qui est situé à Montbrison, 17 rue des Arches précisément, un restaurant qui a vocation d'échanges et de rencontres et qui accueille toute personne et groupe lors de soirées spéciales ou d'après-midi de découvertes, d'initiation, d'échanges ou d'ateliers, animés par des bénévoles sur tout sujet, que ce soit santé, littérature, poésie, BD, histoire. Alors précisément, il sera question là d'histoire pour ce rendez-vous de ce jeudi 5 décembre à partir de 18h. La soirée portera sur la guerre 14-18 avec cet intitulé « Les profiteurs de guerre ». Et oui, il s'agira de revenir sur la mobilisation de 1914, sur des réflexions ou questions posées, qui tire avantage de la guerre ? Les grèves, les mutineries, quelle reconstruction à la fin de la guerre, débats, échanges, lecture de lettres de Poilu, chants anti-militaristes. Bref, vous pourrez tenter de participer, de répondre aux questions qui pourront être posées. Ce sera en présence de la chorale La Ravachole de Marcy-le-Châtel et il y a même un repas prévu. Voilà, c'est à partir de 18h pour ce nouveau lieu, restaurant Le Pêle-Mêle qui est situé 17 rue des Arches à Montbrison. Vous pouvez avoir plus d'infos, voire réserver auprès de ce lieu. Je vous livre le numéro de téléphone, c'est le 96 18 47 04 77 96 18 47. Un autre rendez-vous du 8-9-5 de Dio en mensuel, le premier de chaque mois. Là aussi, c'est une mensuelle de Dio le mercredi, c'est la mensuelle du café. C'est chaque mercredi 10h, alternance de différents programmes mensuels. Et le premier de chaque mois, vous avez rendez-vous avec l'association de philosophie Aussitôt dit. Aussitôt dit qui, vous le savez, fête ses 30 ans en cette année 2024 et qui propose ses conférences de l'Hôtel de Ville très régulièrement. Et précisément, la prochaine conférence de l'Hôtel de Ville, nous anticipons, aura lieu le 12 décembre prochain, semaine prochaine, à 19h, à l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne, salle Aristide Briand, avec un conférencier local et stéphanois. Il s'agit de l'anthropologue, professeur émérite de sociologie à l'Université Jean-Mai de Saint-Étienne, Michel Rothenberg. Michel Rothenberg qui interviendra sur le thème « Les utopies réalisées ». En voilà un beau projet et une belle question posée. Les utopies et puis la question même plus spécifique qui intéressera Michel Rothenberg et qu'il partagera avec le public sera de comprendre comment un projet utopique réussit, c'est-à-dire qu'il dure et se transmet au-delà des initiateurs ou bien qu'il peut être un modèle inspirant plus largement les communautés humaines. Voilà, vaste réflexion. Michel Rothenberg donc interviendra ce 12 décembre prochain à 19h à l'Hôtel de Ville Salarié Site Brillant pour une rencontre qui sera animée par Catherine Gauthier qui est chercheur sociologue associée au Centre de recherche Max Weber à Saint-Étienne. Alors pour annoncer cette conférence de l'Hôtel de Ville, et vous le savez depuis plusieurs saisons, nous proposons une émission mensuelle en partenariat avec Aussitôt dit pour vous proposer une conférence de l'Hôtel de Ville archive, enregistrée, captée et diffusée sur nos ondes. Ce sera le cas ce mercredi 4 décembre à 10h avec un beau sujet d'actualité qu'on avait déjà proposé à la fois en écoute et en diffusion sur notre antenne. Il s'agira de la question du revenu de base inconditionnel, une proposition radicale, une utopie peut-être. C'est possible pour faire le lien avec la conférence prochaine. C'est Philippe Van Parijs qui interviendra et qui est intervenu. C'était une conférence du 16 janvier 2020 et qu'on vous propose donc en rediffusion et retransmission ce mercredi 4 décembre 10h sur le 895 de Dio. Philippe Van Parijs à propos de son livre « Le revenu de base inconditionnel, une proposition radicale ». Je rappelle que vous avez toutes les infos sur l'association de philosophie Aussitôt dit, ses conférences mais aussi ses cours publics de philosophie, ses ateliers, via son site dédié aussitôtdit.net, le tout accroché en minuscules. Alors, conférence de l'Hôtel de Ville, de Saint-Étienne, salle Aristide Briand. nous y venons. Et oui, d'abord proche du syndicalisme révolutionnaire, grand défenseur de l'idée de la grève générale, il est devenu député socialiste de Saint-Étienne en 1902, à la suite de Benoît Auriol, très proche de Jean Jaurès. Et il est surtout le personnage politique qui a joué un rôle important dans le processus de sécularisation et de laïcisation en tant que rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État, la loi de 1905. Et il va être question de laïcité. Et précisément, nous allons revenir à Aristide Briand, à la salle Aristide Briand, où se tenait le conseil municipal lundi dernier. Tout cela pour parler de laïcité parce que s'ouvre demain la seconde édition de la semaine de la laïcité, une valeur fondamentale de la République, mais qui était plutôt malmenée lors de ce conseil municipal dernier, lundi dernier, alors qu'à l'ordre du jour, différents dossiers, et le numéro 102 portait précisément sur une question, et cette question politique fondamentale de conforter les valeurs de la République au travers de l'attribution de subventions à diverses associations portant sur l'accessibilité, le handicap, la lutte contre les discriminations. Et une des structures concernées, eh bien, est l'association Foi et Lumière, une association qui donc demandait l'attribution de subventions pour un montant, et vous allez entendre, de 800 euros. Mais en tout cas, cela faisait réagir l'opposition lors de ce conseil dernier. Vous allez l'entendre, et notamment Christelle Pfister, qui est conseillère municipale de l'opposition et donc du groupe communiste, que je vous propose de retrouver de suite. Merci de me laisser la parole. Sur la subvention versée à Foi et Lumière, nous avions demandé des renseignements à Madame Semache, qui nous a répondu que l'approche était conforme aux valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité, en garantissant la liberté de conscience et en favorisant la cohésion sociale. Or, quand on se penche sur le site de cette association, Foi et Lumière, née au cœur, je vous cite ce qu'il y a sur le site, Foi et Lumière, née au cœur de l'Église catholique, fondée sur la conviction que les personnes ayant un handicap mental ont été choisies par Dieu pour confondre les sages et les puissants. Son esprit est l'esprit de l'Évangile. Toujours sur le site, au chapitre « Qui sommes-nous ?», il est écrit « Des communautés de rencontres formées de personnes ayant un handicap mental, de leur famille, d'amis, spécialement jeunes, se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie. » Je cite toujours « Chaque communauté veut être insérée dans la paroisse ou les paroisses de ses membres. Foi et Lumière est le signe que les personnes les plus démunies et souvent les plus rejetées sont au cœur de l'Église. Chaque communauté est aussi jumelée avec une communauté religieuse. Elle se porte ainsi mutuellement dans la prière. Donc on peut en déduire que la prière est une activité importante de cette association. Enfin, donc la subvention a été financée pour un voyage. Et dans ce voyage, il y avait une escale à l'abbaye de Hautecombe, qui, elle, abrite la communauté du Chemin Neuf, qui est un centre de formation pour la prière pour les jeunes. Dans son rapport d'activité 2018-2020, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, note que la communauté du Chemin Neuf continue de susciter des interrogations. 15 saisines sur les 3 dernières années, entre 2018 et 2020. Bien que la communauté semble très riche, en 2015, un profit annuel de plus de 3 millions d'euros pour un actif total de plus de 28 millions d'euros. Les personnes qui travaillent bénévolement, pour elles, sont nourries, voire mal logées parfois. Selon le rapport, les communications des adeptes avec l'extérieur sont très réduites. L'objectif final est d'attirer toujours plus d'adeptes et d'agrandir la communauté. En conclusion, la mission interministérielle recommande une certaine prudence à l'égard de cette communauté pour les personnes qui seraient fragilisées. En l'état, un financement public pour cette association Foi et Lumière nous paraît s'apparenter au financement d'une activité cultuelle, ce qui contrevient à la neutralité de la puissance publique. De plus, la nature d'un des lieux visités incite pour le moins à la prudence. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas voter cette subvention. Nous demandons qu'elle soit séparée des autres. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? Donc, je donne la parole à Nadia Semach. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, lors de la commission, j'avais répondu que vous avez effectivement bien repris ce que j'avais dit lors de cette commission. Alors, d'après le dossier que nous avons reçu, cette initiative était en adéquation avec les principes de la laïcité que notre équipe défend. Alors, le projet, c'est l'organisation d'un séjour pour rompre l'isolement, ce que je vous ai répondu. C'est une subvention à hauteur de 800 euros. Le séjour, alors, était du 18 au 20 mai 2024 en Savoie, incluant des visites à Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et également des visites dans des musées. Ça avait pour objectif de rompre l'isolement, créer des liens et encourager l'entraide pour des personnes porteuses d'un handicap. Alors le programme, c'était pour le premier jour, le samedi, c'est donc un voyage en car jusqu'à Chambéry avec visite en petit train de la ville, suivi d'une croisière sur le lac Aix-les-Bains et une escale à l'abbaye de Hautecombe. Ça peut être, enfin, pour moi, il me semble, c'est une visite culturelle. Le dimanche, c'est une visite d'Annecy avec un pique-nique dans un parc. Le lundi, c'était donc la visite du musée de la cloche fonderie et un retour par le Mont-Révard, Belvédère. La finalité de ce projet, c'était susciter des rencontres d'amitié, de partage, qui réunissent des personnes ayant un handicap mental, leur famille et leurs amis. C'est aussi favoriser l'insertion des personnes ayant un handicap mental en mettant en œuvre des actions facilitant leur intégration dans la société. Alors effectivement, c'est affilié à Foi et Lumière International. Donc, cette association a signé un contrat d'engagement républicain. La ville de Saint-Étienne, lorsqu'on dépose une demande de subvention, chaque association doit signer ce contrat d'engagement républicain. C'est ce qui a été fait. Alors, avec ce que vous m'apportez ce soir, je vais solliciter le préfet, monsieur le préfet, en fonction de ce que le préfet me répondra, on verra si la subvention sera versée. Mais à ce jour, moi, je ne vois aucune difficulté qui puisse compromettre le versement de la subvention. Mais je vais vérifier quand même pour être sûr et je reviendrai vers vous, madame. Merci. Y a-t-il... Non, j'ai demandé s'il y avait d'autres questions. Merci pour cette réponse. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Des oppositions ? Madame Pfister, vous êtes opposée, je crois. Nous ne prendrons pas part au vote. Ah oui, c'est une autre subtilité. Donc le groupe communiste ne prend pas part au vote. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Voilà pour ce point à l'ordre du jour. C'est le dossier 102 qui portait sur l'attribution de subventions et dont cette association concernée, Foi et Lumière, vous l'avez entendu, retournement de situation. Christelle Pfister, au nom de l'opposition et du groupe communiste, annonçait s'opposer à ce point et à cette attribution de subventions et c'est finalement abstention à l'issue de ces échanges. Abstention également d'abstention du côté de l'opposition de manière plus générale. En tout cas, on va aussi attendre bien sûr la position, comme le disait Nadia Semach en réponse, de la préfecture également sur ce point. Et oui, la loi est supérieure à la foi, faut-il le rappeler. En tout cas, voilà qui a pu et qui pose en effet question parfois. Et on le rappelle, c'est dans le cadre de cette loi 1905, séparation de l'Église et de l'État, dont le Stéphanois Aristide Briand a largement pris part, inventant la laïcité cité à la française et qui proclame pour cette loi la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et propose le principe de séparation des églises et de l'État via différents articles, mais deux premiers et donc deux principaux. Le premier article crée un large consensus. Le texte ne laisse que peu de marge pour son application par les mots « assure » et « garantit ». La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. En effet, c'est la liberté de conscience, le droit de ne pas être croyant ou de croire, et la liberté de culte si on l'est. Et puis l'article 2, en effet, l'État, les départements, les communes assurent leur neutralité à l'égard des citoyens en refusant d'accorder des avantages spécifiques à certains en raison de leurs pratiques cultuelles. Et oui, l'article 2 précisément, je cite toujours, « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Bref, ça c'est pour la loi 1905 et tout cela pour nous vous amener à la semaine de la laïcité qui va s'ouvrir ce 4 décembre, seconde édition de cette semaine de la laïcité à Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole jusqu'au 13 décembre prochain. Avec eh bien, bon nombre de propositions, une programmation faite via exposition, conférences, spectacle jeune public, une dictée géante également, du sport, Olympiade, foot et laïcité, avec tournois prévus, plantation d'arbres de la laïcité dans 13 quartiers de la ville, à la mémoire notamment de Samuel Paty et Dominique Bernard. Et puis également un spectacle musical jeune public, Laïcité Mon Amour, qui sera joué ce mercredi 4 décembre à 10h15 pardon, à la médiathèque de Tarentaise et à 15h à la médiathèque de la Cotonne. D'autres spectacles proposés, une exposition portant notamment sur Aristide Briand, donc une expo qui retrace la vie d'Aristide Briand, figure historique de la laïcité, je dirais figure historique politique locale, qui sera installé à partir de ce 4 décembre et visible jusqu'au vendredi 13 décembre. L'accès y est libre, bien sûr, et c'est à l'hôtel de ville. Et puis, d'autres éléments de programmation, je ne vais pas en faire le tour de façon exhaustive, mais des conférences. Et c'est là aussi où ces temps sont intéressants. Une conférence « Science et religion », animée par Philippe Forêt et Michel Depère, universitaire. Ce sera le 12 décembre au Planétarium. Un webinaire « Laïcité et santé publique » en partenariat avec l'École des Mines et la Rotonde qui aura lieu le 13 décembre prochain à 14h à l'amphithéâtre de la Maison de l'Emploi. Et puis notamment ce 4 décembre en ouverture de cette semaine de la laïcité à 18h à la salle Aristide Briand de l'Hôtel de Ville, une conférence avec les représentants des principaux cultes animée par la journaliste Laetitia Farine qui visera à échanger sur la laïcité et mieux comprendre les divers points de vue et de favoriser le dialogue. Et puis enfin, une dernière conférence que je souhaitais vous rappeler, c'est une conférence sur la laïcité par Henri Pénard-Ruiz qui est philosophe, auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité et qui explore le concept de laïcité comme un fondement essentiel de la liberté et de l'égalité. Et donc une conférence qui abordera comment la laïcité permet à chacun de vivre librement ses convictions et répond au mieux aux défis modernes de la diversité. Un débat citoyen, échange, conférence, ce sera lundi 9 décembre, ce sera lundi prochain donc, à 18h à la salle Aristide Briand de l'Hôtel de Ville. Et vous annoncez précisément que Henri Pénard-Ruiz sera interviewé par les jeunes reporters en herbe de Dio via le programme Sajakas que vous retrouvez tous les samedis à 10h et notamment Radio Tilleul via la MJC des Tilleuls qui s'inscrit dans le cadre de cette semaine de la laïcité et qui consacrera émission spéciale sur la laïcité. Rendez-vous ce samedi 7 décembre à partir de 10h et l'équipe de Radio Tilleul et de la MJC des Tilleuls pour ce programme Sajakas réalisera une interview auprès de Henri Pénard-Ruiz à retrouver donc sur nos ondes et très prochainement en podcast. Et le temps de vous proposer et de caler ma programmation tout en lien. Playing, praying, voilà, jouons, prions, pourquoi pas. En tout cas, c'est un nouvel album, voilà, sous ce titre-là, qui va paraître en janvier prochain. C'est l'album de Compromat. Vous connaissez ce groupe de musique électro-français qui existe depuis déjà quelques années, composé de Rebecca Warrior, membre de Sexy Sushi, Mansfield Tia et du compositeur de musique français Vitalik. Alors Compromat est de retour avec cet album en janvier prochain, Playing Praying. Alors élevons-nous un peu justement sans foi ni lumière, quoique Compromat Lift Me Up, que je vous propose d'écouter donc pour cet album apparaître en début d'année prochaine. Lift Me Up de Compromat, le duo qui donc a sorti ce titre issu de ce prochain album Playing and Praying qui sortira en début d'année 2025. Alors, je vous reprécise que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette semaine de la laïcité, bien sûr, vous vous rendez sur le site de la ville de Saint-Étienne, saint-etienne.fr, pour avoir toutes les infos et la programmation en détail, et puis vous annoncer au-delà de Saint-Étienne et de conseil municipal que l'on vient de suivre. C'est le conseil métropolitain qui habituellement se tient la même semaine, mais qui a été déplacé, décalé à ce 5 décembre. Donc voilà, le prochain conseil métropolitain, c'est-à-dire Saint-Étienne Métropole, aura lieu ce 5 décembre à 14h30. Et vous avez aussi loisir de le visionner et revisionner eh bien sur le site de saint-etienne-métropole.fr. C'est le cas également sur le site de la ville pour le conseil municipal, bien entendu. Alors que Saint-Étienne Métropole, d'ailleurs, pour le coup, organise aujourd'hui, ce 3 décembre, au Théâtre du Parc d'André-Boutéon, son forum de la transition écologique et énergétique. Bref, sans transition, justement, aucune, parlons culture et musique pour poursuivre, avec, allez, à la fois actualité culturelle et concert, partenaire duo, et ce qui signifie d'ailleurs des places à gagner. Jeu concours, c'est tout simple, il suffit d'avoir un peu d'envie et de curiosité et de nous adresser un petit contact via mail ou téléphone pour gagner vos places pour les concerts attendus sur la salle partenaire du fil. Alors il y a cette semaine Flavia Coelho, la brésilienne, qui est attendue ce 5 décembre. Il y a la soirée Zinemaou, soirée rap, ce 6 décembre. Il y a la Sainte-Barbe, là c'est gratuit, mais on en reparlera juste après, ce 7 décembre, alors que la Sainte-Barbe a lieu ce mercredi 4, bien entendu. Sean Couty, le fils de Fela Couty, ce sera le 12 décembre prochain avec un Hors les Murs duo par en live. Nous interviewerons Sean Couty, ce sera jeudi prochain à 19h, salle Le Fil. Alors pour nous parler de toutes ces dates de décembre partenaire duo et gagner des places, eh ben je vous propose de retrouver Julien Pricrine, qui est programmateur de la salle Le Fil, que nous avons interviewé, en tout cas rencontré, c'était début septembre dernier à l'occasion de la conférence de presse de lancement de saison de la salle Le Fil, que j'avais le plaisir d'animer, et donc l'occasion de revenir sur ces éléments de programmation de décembre. Petite présentation de ces dates à venir, tout cela, je vous le rappelle, en jeu concours avec des places à gagner pour ces dates. N'hésitez pas à nous contacter au bout du fil, ça se passe au 04 77 25 05 94 si vous suivez Choper la Rediff, un peu email à redac@radiodio.org. Dans les temps de présentation, proposition musicale avec Sean Couty qu'on retrouvera bien sûr, et en premier lieu Ziné, la rappeuse qui est également en concert cette fin de semaine, salle Le Fil Saint-Étienne. Ziné précisément qu'on écoute. Sous la douche, m'en vais faire le tour du pâté de maison. Dehors, on essaie de faire tenir le décor. J'ai couplé beaucoup de choses à porter. Je vais bien finir par te voir. On se croise durant tard le soir. Les anges vont finir par te voir. Tu vas bien finir par me croire. Je fais un premier pas vers la lune, comme un oiseau qui traverse la rue. Je veux voir le soleil qui t'a perdu la vue. Je fais un premier pas vers mes rêves, comme une tortue qui traverse les airs. Je veux voir le soleil qui t'a perdu mes ailes. Je suis fatiguée de pleurer dès le réveil. J'écoute mon passé qui fait n'importe quoi. Cœur est caché en dessous d'un corps de bois. J'essaie d'oublier ce qui me met hors de moi. J'ai tout mis dans un coup de bluff. Je ressens même plus la douleur. Le bleu se mélange pas aux autres couleurs. Je me sens seule depuis gamine, comme une randonnée dans le désert. Eux ils pensent que c'est facile, ils oublient ce qui est beau et fragile. Mon frère trouve ça étrange d'entendre ma voix sur de la musique. Je veux pas que tu t'accroches, je veux pas que tu me colles, mais je veux pas que tu glisses. Il fait un peu froid dans cette ville. Quand il fait froid, j'ai plus de voix. Je veux rentrer dans le sud, moi. Mon étoile flotte au-dessus de moi. Y'a pas d'étoile dans cette ville. Le coup plan sur un pull. recule. Moi, ce ciel est gris, je veux plus le voir. Je dois rentrer, moi j'ai plus le choix. Décembre démarra avec un plateau rap 100% féminin, assez rare pour le souligner, avec la Toulousaine, Zinée en tête d'affiche, et en première partie une jeune artiste de Rive de Gier qui s'appelle Mao, qui est suivie d'ailleurs par Greg et qui est régulièrement dans les studios pour travailler son set. On arrive donc sur... Mi-décembre et cette grande date du 12 tout de même. Ouais, on en a oublié certaines, j'ai oublié Flavia Coelho le 5 décembre. Et on arrive au samedi 7 décembre au Grand Bal de la Sainte-Barbe, encore une nouveauté, bah, je vois Riwan là-bas qui nous en touchera deux mots tout à l'heure. Donc l'idée c'est d'accueillir ces festivités de la Sainte-Barbe pour une grande after, un grand bal en grande salle, où on aura le plaisir de recevoir le Barbuck Crew avec DJ Merguez et DJ Quan de Jambon. Que beaucoup connaissent, avec une merguez à paillettes, à facettes, pardon, géante en grande salle, des animations karaoké, des goodies, des cadeaux, un vin chaud d'accueil, une fanfare, enfin, ce sera une très belle soirée, à n'en pas douter. Puis alors, petite particularité, on va faire peut-être focus sur cet événement, je ne sais pas si Riwan est là dans la salle et s'il peut nous rejoindre, pour évoquer cette date du 7 décembre qui fait aussi partie finalement un peu de nouveautés et de ce qui va aussi faire ici lieu de vie véritablement. On connaît le 4 décembre, journée et fête de la Sainte-Barbe, pour commémorer aussi le passif et le passé ouvrier stéphanois, bien entendu. Très important que cette mémoire aussi ouvrière locale, abordée de façon plus festive déjà depuis quelques temps à Saint-Étienne, parce que c'est une grande fête de la Sainte-Barbe qui maintenant est organisée depuis quoi, deux ans par le collectif, trois ans même. C'est la quatrième année. Là, c'est la quatrième année, en investissant dans différents lieux de la ville. Ouais. Et donc, cette année, le fil avec ce grand bal de la Sainte-Barbe qui est prévu, Riwan. Ouais, en fait, on avait besoin de nouveautés. C'est vrai que la première année, c'était un peu tout nouveau et tout le monde trouvait l'idée. Hein. Super, et donc il y avait très peu d'attentes, mais tout le monde était super content. La deuxième année, on a le droit aussi, on a fait à peu près les mêmes choses, et forcément chaque année on doit amener de la nouveauté pour que ça soit intéressant, pour grossir. On s'est posé les questions avec les partenaires, les différents établissements, et cette année la grosse nouveauté, et d'autres qui seront annoncées plus tard, mais la très grosse, c'est d'avoir cette soirée qui sera au fil, donc le 7 décembre, parce que ça répondait un peu à une problématique que les gens avaient. C'était qu'est-ce qu'on fait. Alors on a une sorte de cheminement, feu d'artifice, restauration, bar, et derrière où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et donc du coup on est très ravis d'avoir pu travailler avec le fil et de pouvoir proposer un bel événement en décembre prochain. Très bien. Le grand bal de la Sainte-Barbe. Merci Riwan. Merci à vous. Pour cette date donc du 7 décembre, pour poursuivre d'autres activités, actions. Jeudi 12, donc la date coup de cœur du trimestre, Seun Kuti, le fils du grand Fela Kuti. Donc Fela a deux fils qui tournent régulièrement. Femi qui a un set, une proposition plutôt jazz, on va dire. Et Seun, c'est plutôt la reprise du flambeau du pater avec le groupe qui l'accompagnait à la fin de sa vie, Égypte 80. Et un mimétisme dans le show, dans la scénographie, c'est une date coup de cœur parce que c'est quelque chose à voir absolument pour qui n'est pas familier de la date de la musique de Fela, pardon. C'est une très très bonne occasion de faire une entrée dans ce répertoire qui est très vaste, très riche, et puis l'afrobeat est un style qui est assez peu représenté dans les programmations. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Seun Kuti, pouvoir en plus avec une grosse formation, ils sont 13 ou 14 sur scène. Donc un très très joli show, aussi musical que visuel. Et puis surtout important de voir effectivement cette reprise de flambeau et de voir Seun Kuti qui est le digne héritier de son père, hein, et c'est d'ailleurs conformément à son souhait, celui de Fela Kuti, d'avoir repris et être à la tête d'Égypte 80, la formation qui va l'accompagner ici, à l'occasion aussi de la sortie d'un album d'ailleurs. Il y a trois titres pour l'instant qui sont disponibles, un titre avec Damian Marley, ouais, qui est déjà paru, T.O.P. deuxième single, et un troisième titre qui vient de paraître il y a là quelques jours, le 10 septembre, inspiré d'ailleurs de l'ouvrage Le meilleur des mondes d'Huxley, avant la sortie de cet album. Ce sera le 4 octobre, Heavier Yet Lay, qui sortira via le label milanais Record Kicks. Produit par Lenny Kravitz. Et oui, Shane Couty et Égypte 80 qui arrivent en France pour cette date en décembre, dont la salle Le Fil, voilà, digne héritier de son père, Fela Kuti, avec ce nouvel album Ever Yet Lays the Crownless Head, produit par Lenny Kravitz, comme le précisait Julien Picrine, programmateur du Fil, qui est sorti le 4 octobre dernier, et que nous aurons le plaisir de rencontrer le 12 octobre prochain pour cette soirée concert et un plateau radio hors les murs et en public. On vous donne rendez-vous dès 19h30, salle Le Fil, pour assister à ce plateau et cette interview en direct live avant la soirée concert. Shane Couty partagera l'affiche avec Sabali, autre formation afro-locale. Voilà pour ces dates partenaires, Le Fil de ce mois de décembre, Shane Couty le 12 décembre, Ziné Maou le 6 décembre, cette fin de semaine, et Flavia Coelho également, un concert C'est Quelle Prod qui a lieu ce 5 décembre. Pour ces concerts, nous avons des places à vous proposer, ça se passe au bout du fil ou au bout du clic, n'hésitez pas bien sûr. Et puis on vous rappelle bien sûr cette Sainte-Barbe, ce 4 décembre, ça c'est la Sainte-Barbe en tant que telle, c'est la fête consacrée à Barbara d'Héliopolis, dite Sainte-Barbe, et surnommée la Sainte du Feu, qui est observée chaque 4 décembre. Et bien sûr, c'est un ensemble de fêtes proposées à Saint-Étienne. On rappelle que le 4 décembre, lorsque l'extraction minière était en activité, jour de célébration de la Sainte-Barbe, était chômée par les mineurs, mais néanmoins payée. Et c'est l'occasion de le fêter à Saint-Étienne avec un ensemble de manifestations qui vont se dérouler. C'est gratuit, au Courriau, puis Courriau au Musée de la Mine, bien entendu. Avec une conférence, avec atelier, expo, le traditionnel feu d'artifice ce samedi 7 décembre à 20h. Et puis une performance, puisque cette Sainte-Barbe à Saint-Étienne va se dérouler ces 7 et 8 décembre, une performance du duo stéphanois Terre Noire, qui porte pour le coup bien son nom, qui va proposer cette performance dimanche 8 décembre à 14h et 16h10 au Puy Courriau Musée de la Mine, alors que Terre Noire annonce concert aussi, release party, pour la sortie de leur prochain album. Ce sera le 24 janvier prochain, et ils fêteront la sortie de cet album accompagné du génial orchestre du Nouveau Monde, et ça va se passer pour un week-end festival à la Maison de la Radio et de la Musique, d'ailleurs au Studio 104. Bref, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Voilà en tout cas pour cette fête de la Sainte-Barbe. Vous avez là aussi toutes les festivités ce week-end festif Sainte-Barbe sur le site de la ville de Saint-Étienne, saint-étienne.fr. Et puis bien sûr pour la Sainte-Barbe et la fête organisée par le collectif, dont vous avez aussi entendu quelques éléments de programmation, vous avez tout sur le site dédié sainte-barbe.com pour cette fête de ce 7 décembre à Saint-Étienne, avec notamment ce rendez-vous proposé au fil pour ce grand bal de la Sainte-Barbe ce 7 décembre, salle Le Fil. Donc allez, on laisse terminer, écouler presque Égypte 80, son groupe avec le fils Shane Couty, que l'on écoute en guise de générique de fin de ce programme, avec Damien Marley, justement, T.O.P., un des singles qui était paru pour annoncer la sortie de cet album. On termine là-dessus. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Je vous rappelle d'ailleurs un spécial Nigeria dans le programme hebdomadaire Plus Fort J'entends Rien, qui reprend du service. Ce sera ce mercredi 4 décembre dès midi. Tout bon chez vous. Ciao, bye. Myself. I look at them to press to impress.